scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1965, deuxième émission. 1965 et le cinéma, eh bien, voici deux personnes interrogées, deux personnalités. Que dis-je, deux stars. Interroger deux personnes, c'est fréquent. Généralement, elles s'expriment l'une après l'autre. Mais là, elles se chevauchent un peu, pour commencer, sans doute pour contenter les journalistes et photographes postés depuis l'aurore à Orly. Brigitte Bardot et Jeanne Moreau sont de retour du Mexique, où elles ont tourné Viva Maria sous la direction de Louis Malle. Moreau commence, Bardot enchaîne, stéréophonie. On avait notre roulotte, si. Parce qu'on tournait dans des endroits absolument désertiques et il fallait que nos costumes nous suivaient partout. Quel est le moment le plus difficile du film pour vous, le moment le plus dur? C'est les tropiques, c'est près de Veracruz, cette écoloute-là. Brigitte Bardot, quel a été le moment le plus difficile pour vous dans le film, le plus dur? Tout le passage dans les tropiques à cette écoloute-là. Vous avez toujours eu votre propre cuisinier qui vous accompagnait. Ah non, c'est pas mon cuisinier, c'est Anna, c'est une femme qui est comme ma maman et qui s'occupe de moi tout le temps depuis 8 ans maintenant. Elle fait la cuisine aussi, mais quand on était à l'hôtel, je mangeais comme tout le monde. Par exemple, sous les tropiques, il y a du poisson. Et vous aimez ça? Oui, mais maintenant j'en ai plus envie. Brigitte, Jeanne Moreau, quelle impression ça fait de voir à 7h du matin débarquant d'avion sans journaliste comme ça? Ben moi ça me fait plaisir parce que ça prouve que vous êtes tous levés de bonheur pour venir nous chercher. Vous, Jeanne Moreau, ah oui, pareil, moi je ne m'attendais pas à ça du tout. Alors je me suis dit, comme l'avion arrive très tôt, il y aura des paresseux, ils ne seront pas nombreux. Vous allez au Festival de Cannes? Ah non, pas du absolument tout. Moi, pas. Vous allez vous reposer alors? Je rentre dans ma maison. Vous ne nous avez pas fait confiance. Où ça? J'ai une bonne idée. Fred Grimaud? Oui, oui, au-dessus du plan de la tour. Pour moi, voilà. Ça a pris beaucoup d'importance. Alors, oui, posons le problème. Différent. Ce journal disait que vous vous entendiez mal. Enfin, vous faites déjà une conférence de presse en commun. Est-ce que là-bas, vous êtes bien entendu aussi? Oh oui. Bien sûr qu'on s'est bien entendu. Tout le temps. Pourquoi on ne serait pas bien entendu? Non, mais ce qu'il y avait de pas bien quand ce type a écrit tout ça, c'est parce qu'il a inventé la moitié des trucs, il a tout déformé, puis il n'avait pas le droit de... faisant partie lui-même de l'équipe de faire ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez moche. C'était un journaliste de l'équipe du film? C'est pas un journaliste. C'est un écrivain qui jouait un rôle. Un ami de Louis Malle, en plus. Alors ça, je lui pardonne pas. Ça a beaucoup d'importance pour vous? L'amitié, oui. Alors quand on l'a trahi, c'est dégueulasse. Jeanne, tous ces foragos, toutes ces paroles qu'on racontait, que de l'une, que nous disait sur l'autre, est-ce que ça n'a pas réussi à vous faire brouiller? Oh ben non. Comment voulez-vous que ça réussisse à nous faire brouiller? Déjà, quand on est parti, on avait lu quelques spécimens. Non, mais quand on lit un article dans lequel on dit « Brigitte a dit de moi ça... » Mais comment, comment voulez-vous que ça nous fasse... Oui, qu'on croit ce qui est marqué dans les journaux. Bon, faisons le travail. Vous retourneriez ensemble un autre film avec le même metteur en scène. Oui, mais dans des conditions... dans 15 ans, pas un film sur la guerre où il faut jeter des bombes et des trucs. Vous avez peur? J'ai pas peur, mais c'est crevant. Et la vie de l'une sur l'autre dans ce film, qui crève l'écran? Hein? Qui crève l'écran? La bombe. De deux choses l'une, deux jambes ou deux yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune. Mais blondes ou brunes, à Paris font mieux. Une égale deux, et deux n'en font qu'une. Allez, les petites femmes de Paris. J'en multiplie une, j'en multiplie deux. Ah, comme c'est fâcheux, qu'elles sont importunes. 10 fois 100 fois 1, c'est trop périlleux. Par pitié, mon Dieu, qu'il n'en reste aucune. les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes de Paris. N'ayez pas de rancune, vous serez heureux. Dites-leur adieu, car de cette rodule, la tête y en a qu'une. Ah non, y en a deux. Pour les amoureux, chacun sa chacune. Ah les petites femmes, les petites femmes de Paris. Ah les petites femmes, les petites femmes de Paris. Ah les petites femmes, les petites femmes de Paris. Après le duo Bardot-Moreau, les stars de 1965 réunis pour un film, autre interview, celle d'un trio cette fois. Ça se passe en studio, à la radio, mais on entend aussi le moteur d'une caméra. À l'époque, elle n'était pas toute silencieuse, venue filmer les héros du jour. Très différent. La nouvelle nous est parvenue hier au cours de notre journal de 13h. Trois professeurs français, prix Nobel de médecine. Les professeurs André Lvoff, Jacques Monod et François Jacob donnent à la France la plus haute distinction en matière de recherche médicale, une distinction qui était à vrai dire attendue depuis 37 ans. France Inter était hier le premier à donner cette information et Fernand Lotte devait même apprendre la nouvelle aux professeurs Monod et Jacob qui se trouvaient à ce moment-là à l'Institut Pasteur. Depuis 24 heures, André Lvoff, Jacques Monod et François Jacob sont devenus la proie des journalistes et des photographes. Et ils ont accepté aujourd'hui de venir en direct au micro d'Interactualité. Messieurs, je vous remercie d'abord d'être venus jusqu'à notre micro. Et nous allons essayer, si vous le voulez bien, avec Jean-Pierre Elkabbach et Robert Petri, je ne dirais pas de faire le point sur vos travaux, ça serait vraiment une chose infiniment trop compliquée, mais du moins d'essayer de faire un peu mieux connaissance avec vous. Quels travaux, quelles découvertes exactement l'Institut Karolinska a-t-il voulu récompenser en vous honorant ? Eh bien, en principe, je crois que la citation qui est donnée par l'Institut Caroline nous donne ce prix pour la découverte des phénomènes de régulation génétique. Pourrions-vous, si vous le permettez, parler de vous-même, Monsieur Monod d'abord. Quels sont vos goûts ? Et pensiez-vous, en commençant vos études de médecine, qu'un jour vous seriez prix Nobel ? J'y pense assez peu, monsieur, que je n'ai jamais fait d'études de médecine. J'ai fait des études de sciences exclusivement, de sciences biologiques et chimiques. Et quant à savoir si je serais prix Nobel, je veux dire que je n'y ai jamais songé. Et que dans ces dernières années, où de temps en temps il en était inévitablement question... Entre amis, eh bien, je m'appliquais à ne pas y songer parce qu'enfin, on ne travaille pas pour le prix Nobel. C'est la pire façon de l'avoir. Je veux dire que c'est la plus sûre façon de ne pas l'avoir. Professeur Jacob, le prix Nobel, est-ce pour vous l'aboutissement de vos recherches, une sorte de consécration ou au contraire le point de départ de nouveaux travaux ? Je dis professeur Jacob, mais je pense à l'ensemble de l'équipe. J'espère beaucoup que ce n'est pas un aboutissement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que les honneurs n'arrivent aux gens que quand ils ne les méritent plus. Et j'espère beaucoup ne pas être dans cette situation et que c'est simplement une étape et que l'on pourra poursuivre ces travaux. D'Étienne Laloux, qui vous présente aujourd'hui Les choses de Georges Perec, publié aux éditions Julliard. Lecteur Pierre Leproux. Si, comme les années précédentes, un certain nombre de dizaines de milliers de Français achètent à la fois chez leur libraire le Goncourt et le Renaudot, ils emporteront sous le bras le livre le plus lourd et le livre le plus léger de l'année. Deux livres parfaitement antinomiques à tous les points de vue. En effet, en simplifiant un peu, on pourrait dire que Jacques Borel n'avait pas grand-chose à dire et que l'adoration est un monument édifié avec les matériaux les plus ténus qui soient. Cependant que Georges Perec, lui, de toute évidence, a quelque chose à dire, quelque chose qui nous concerne tous, et que son petit livre a plus d'importance encore par tout ce qu'il implique que par ce qu'il est. Et pourtant, seul des deux, l'adoration se présente officiellement comme un roman. Les choses portent en sous-titre une histoire des années 60. En réalité, et j'y reviendrai tout à l'heure, en quoi l'histoire d'un seul individu et de son odyssée personnelle mérite-t-elle plus le titre de roman que l'histoire d'un couple dont le destin est profondément lié à une époque qui nous intéresse tous puisqu'elle est la nôtre. Jacques Borel parle de lui, Georges Perec nous parle de nous-mêmes, c'est sans doute là la plus grande différence. Donc c'est l'histoire d'un couple, et d'un couple sinon impersonnel, en tout cas désindividualisé. Il est bien rare que l'auteur parle d'eux autrement qu'en les appelant « il » ou « Jérôme et Sylvie ». C'est seulement pendant un entracte de quelques mois en Tunisie qu'ils auront, par la force des choses, une activité ou une inactivité séparée. Le reste du temps, ils sont Jérôme et Sylvie, un couple, presque une entité. En quoi nous intéresse-t-elle cette fable mélancolique? En quoi nous retiennent-ils ces personnages phallos? Tout simplement en ce qu'ils nous ressemblent, en ce qu'ils sont nos frères, en ce que nous sommes tous conditionnés par cette civilisation matérielle qui nous fait confondre les valeurs fictives et les valeurs réelles. Et voilà pourquoi le livre de Georges Perec, bien qu'il ne soit pas tout à fait réussi, et que l'auteur, comme on dit en sport, n'ait pas tenu la distance, ce livre n'est pas seulement tout à fait remarquable, c'est aussi un véritable roman. C'est une cruelle et triste chronique d'une époque, la nôtre, qui étouffe sous les mythes qu'elle s'est elle-même créée. C'est surtout l'analyse la plus juste et la plus profonde de notre société qui ait été faite sous une forme littéraire depuis longtemps. Comment ne pas appeler roman cette peinture de nous-mêmes et de notre environnement? Comment aussi refuser le titre d'écrivain à un homme qui a su créer le style correspondant à son sujet, un style alternativement froid comme celui du sociologue et ondoyant comme celui des esprits chimériques qui rêvent leur vie? Un style où le procédé d'énumération nous fait éprouver physiquement l'impression d'être étouffés nous-mêmes par les choses. Georges Perec, je suppose que depuis quelque temps on vous fait beaucoup parler de votre livre. Est-ce que ça ne vous ennuie pas un peu? Ça m'ennuie. C'est-à-dire que j'en parle tellement, effectivement, que je suis obligé d'avancer dans l'opinion que j'ai encore de ce livre. Au début, je parlais volontiers de son sens, enfin, qu'est-ce que c'était, enfin, c'est... Et puis, vraiment, ça, c'est vraiment une espèce de question que j'ai épuisée, enfin, qui m'ennuie. Il y a eu des tas de contacts avec des gens qui ont lu ce livre, qui l'ont aimé, qui se sont sentis touchés, qui se sont sentis contestés, qui sont mis en colère, enfin, ça, c'est... Et j'essayais, enfin, je veux dire, j'ai le sentiment d'avoir écrit... J'ai conscience d'avoir écrit un livre extrêmement ambigu, enfin, dont le sens est pourtant assez clair, une espèce de description critique du monde d'aujourd'hui. Oui, je ne voudrais pas vous amener à reparler du sens de ce livre, oui. Puisque vous dites que ça n'est pas ce qui vous intéresse, mais ce mot ambigu, quand même, me paraît curieux. Il me semble qu'on a rarement écrit un livre aussi nettement ce qu'il est, aussi clair. Où serait l'ambiguïté? Ben, l'ambiguïté, c'est simple. C'est un peu, il y a une espèce d'illusion d'optique, un peu comme ces carreaux que l'on voit montant ou descendant selon qu'on les regarde. Je suis incapable de dire si la fin de ce livre est heureuse ou malheureuse. Elle me semble très triste. À certains moments, ces pauvres jeunes gens, voyez leur liberté saccagée, ils vont s'installer dans le système. Bon, ça c'est triste. Mais en même temps, voyez ces gens qui rêvaient de posséder les choses de notre monde, la beauté du monde moderne, eh bien, ils vont la posséder. Ils vont maîtriser leur rêve, il va devenir réalité. C'est bien ça qui est triste. Le fait de vivre dans la nostalgie et dans un certain romantisme, enfin, un certain rêve, un certain idéalisme, c'est pas très sain. Enfin. Oui, mais c'est un idéalisme curieux, puisque quand même, ces gens qui sont des jeunes mariés, il y a vraiment une chose dont on ne sait jamais si même ils l'éprouvent, c'est l'amour. Alors là, c'est un aspect volontaire. Enfin, j'ai absolument séparé, enfin, j'ai fait une espèce d'étude isolée. Enfin, en gros, je vais vous expliquer comment j'ai fait, parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse. J'ai commencé, je voulais écrire, comme tout le monde, mettons, un livre de 800 pages ou de 3000. Bon, l'éducation sentimentale, ou bien le Comte de Monte Cristo, ou bien Moby Dick. Et j'ai commencé un livre un jour. Quand on commence un livre, on essaye, on rassemble, enfin, on cherche un peu partout, enfin, on furette, on est extrêmement attentif à des tas de choses. Et moi, j'ai commencé, c'était une espèce de roman d'aventure, enfin, c'est... Et petit à petit, ce livre s'est mis à tourner autour d'un certain nombre de questions et autour d'un certain nombre de choses impossibles. Par exemple, j'ai ressenti l'impossibilité d'écrire un dialogue, de faire parler des personnages. Enfin, de faire... un tel dit ceci, Michel dit ceci, Bernadette dit cela. Enfin, ça, c'est... Je veux dire, ça fait très longtemps. Enfin, je veux dire, ça, c'est un problème que que des tas de gens ont abordé, cette espèce d'impossibilité qu'il y a d'écrire un dialogue dans les romans contemporains. Ensuite, une espèce d'impossibilité de créer des personnages. De créer des personnages, des types sociaux, enfin comme Balzac, quoi, ou comme certains personnages de Stendhal, hein, ou même comme certains personnages de Flaubert. Et puis enfin, au bout d'un certain temps, mon projet est devenu un peu plus clair et j'ai eu envie d'écrire, si vous voulez, un livre sur l'argent. Enfin, pas sur l'argent, sur le bonheur, sur la publicité, enfin sur le monde moderne. Le conditionnement. Sur les rues aujourd'hui. Et alors, c'était pas un sujet littéraire et j'avais pas des moyens littéraires. Et alors, j'ai conçu ce livre, d'une part comme l'étude d'un milieu, et non pas comme l'étude de personne, mais l'étude d'un milieu. Non pas comme quelque chose qui arrive à quelqu'un, mais comme la relation que des personnages, enfin que des êtres peuvent entretenir avec les choses. Alors, d'une part comme une étude de milieu, et d'autre part, dans mon idée, comme un espèce de roman d'avant l'existence. Si vous voulez, je tends vers une espèce d'autobiographie continuelle, enfin, qui est l'écriture elle-même. Je tends vers une espèce d'exploration des autres, enfin, dans la littérature, dans l'écriture. Mais j'avais besoin d'abord, avant de faire vivre des personnages, avant qu'un personnage qui sera peut-être moi, qui sera peut-être ma femme, qui sera peut-être quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'admire, quelqu'un que je déteste, enfin, avant d'essayer de le faire émerger, de le faire sortir, il fallait que je décrive cette espèce de terre inconnue qui me semble être certains aspects du monde contemporain. En somme, c'est pour ça que vous ne l'avez pas appelé roman, c'est parce que pour vous, c'est un pré-roman. C'est exactement ça. C'est vraiment, pour moi, les personnages n'existent pas parce que je ne les ai pas fait exister. Je ne nie pas qu'ils existent. Je dis simplement, avant leur existence, avant les problèmes que pose leur existence, il y a cette espèce de terre sur laquelle ils sont, enfin, qui est, tous les problèmes que ça pose. C'est ce qu'on appelle, enfin, je veux dire, c'est un espèce d'organe isolé, si vous voulez. Comprenez. Voilà, alors j'ai commencé comme ça, et puis après ça a pris un tour beaucoup plus systématique, et finalement ça a recoupé, enfin ça s'est croisé avec, d'une part avec les mythologies de Roland Barthes, d'autre part avec l'éducation sentimentale qui me servait beaucoup pour donner une espèce de style glacé, et puis avec Madame Express et la Maison française. Vous venez d'entendre Le goût des livres. Étienne Laloux vous a présenté Les choses de Georges Perec, publié aux éditions Julliard. Georges Perec parlait de son roman Les choses. Aujourd'hui, en le réécoutant, on peut avoir l'impression, ou l'on peut croire, qu'il songe à un roman possible à venir, qui serait La vie mode d'emploi. C'est ainsi les archives. Tout se bonifie et s'enrichit avec le temps. Chanson, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je sont sous le soleil de mes cheveux blancs, poupées de cire, poupées de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupées de cire, poupées de son. France Culture, les années 60, aujourd'hui 1965. Quand on écoute, non pas France Gall, mais les archives de l'INA, on est toujours partagé entre l'impression que tout a bien changé et la réflexion que rien n'a changé ou avancé. En 1965, le problème des femmes au travail se posait déjà, mais cet énoncé est ambigu. Problème. Problème pour qui? Pourquoi se battait-on? Pour l'égalité des salaires hommes-femmes? Dans le journal parlé qui suit, à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, Jean-Claude Héberlé recevait une femme célèbre, même sur les ondes nationales, Ménie Grégoire. Des chiffres publiés récemment par l'Institut national de la statistique nous apprennent, nous confirment plutôt, que 6,5 millions de femmes travaillent en France et qu'elles occupent le tiers des emplois. Ces chiffres sont plus qu'intéressants, ils méritent qu'on s'y attarde un peu aujourd'hui. D'autres chiffres issus du même rapport, 65% des femmes de 21 ans travaillent, nettement plus de la moitié. Ce pourcentage tombe à 37% pour les femmes de 34 ans, donc nettement moins de la moitié. Et il remonte à 46,7% pour les femmes de 49 ans, pratiquement la moitié. Il y a donc une sorte de trou, si vous voulez, qui correspond à la période où les femmes ne peuvent pas travailler ou le peuvent moins facilement parce qu'elles ont à s'occuper à ce moment-là de leurs enfants. C'est tout le problème de la femme au travail. Précisément, une femme journaliste vient de publier aux éditions Plon un livre qu'elle a intitulé « Le métier de femme ». Avant d'écrire ce livre, Ménie Grégoire s'est livrée à une très large enquête et elle est venue aujourd'hui parler de ce problème au micro d'Interactualité. Ménie Grégoire, vous auriez pu donner à votre livre un titre de combat, l'intitulé par exemple « L'esclavage de la femme », ça aurait été facile à faire. Vous avez choisi un titre neutre, « Métier de femme », et c'est sûrement intentionnel. Je l'ai intitulé « Le métier de femme » et c'est parfaitement intentionnel. Si j'ai écrit ce livre, c'est précisément parce que tout ce qui a été écrit sur ce sujet, ce sont des livres de combat. Et c'est dépassé, à mon avis. Je crois que les femmes qui ont écrit sur les problèmes des femmes étaient jusqu'ici des féministes, c'est-à-dire des femmes qui, au fond, n'étaient pas tellement contentes d'être femmes et qui écrivaient pour dire que les hommes les oppressaient. Je crois que ça, c'est absolument faux. Ça a peut-être été vrai, mais ça ne nous regarde plus. C'est terminé, c'est fini. Maintenant, les problèmes, c'est que les femmes ont vraiment des difficultés, et des difficultés qui ne sont pas d'ordre théorique, mais d'ordre matériel, d'ordre pratique. Donc pour vous, il n'y a plus de féministes, il n'y a plus de suffragettes, c'est fini. Le travail de la femme est entré dans les mœurs. Il est entré dans les mœurs, c'est vrai. Mais pas forcément par la bonne porte. Et il est même entré par la très mauvaise porte. On peut considérer que, en lisant votre livre, que la femme a deux métiers. Elle a ce métier de femme qui est le sien, qui fait le titre de votre livre, c'est celui qu'elle a à la naissance. C'est-à-dire que c'est en réalité sa condition de femme liée à son métier. Quand une femme naît femme, elle a déjà un métier dans sa vie. Autrefois, ça lui suffisait, ça faisait toute sa vie. Elle avait des enfants, elle avait un foyer, un mari, la cour était pleine. D'ailleurs, elle mourait quand elle avait fini d'élever ses enfants. Maintenant, elle a toujours ce métier-là, il n'a absolument pas disparu, mais elle en a un autre parce que c'est entré dans les mœurs que les femmes travaillent et gagnent de l'argent. Et si elle ne travaille pas, si elle ne gagne pas d'argent dans sa vie actuellement, elle se sent un petit peu mal à l'aise et j'ai une énorme enquête où toutes les femmes me disent ça. Elles me disent qu'elles savent qu'il faut qu'elles aient plus que leur famille, leur maison, leur vie de foyer. Elles ont ça, puis elles ont autre chose. Et c'est là où les problèmes commencent et c'est là où vraiment il me semble que la question est totalement changée depuis il y a 50 ans. Dans ces conditions, est-ce que vous pensez que la femme travaille à plein temps chez elle et fait des heures supplémentaires au bureau? Ou bien travaille-t-elle à plein temps au bureau ou à l'usine aussi bien, et fait-elle des heures supplémentaires chez elle? C'est-à-dire, si vous voulez, qu'est-ce qui est sacrifié? La pauvre, elle n'a pas le choix, elle ne peut pas sacrifier son métier. D'ailleurs, si elle sacrifiait son métier, elle serait mise dehors. Alors, les heures supplémentaires, si heures supplémentaires il y a, c'est à la maison qu'elle les fait. Seulement, le drame, c'est qu'elle les fait très bien, c'est qu'elle ne les bâcle pas. Et finalement, qu'est-ce qui paye? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui ont entre 20 et 35 ans ou 40 ans, qui ont deux jeunes enfants et un métier, et qui arrivent à faire 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour, qui ne dorment presque plus, qui sont usés avant l'âge. Il y a vraiment dans la vie d'une femme une quinzaine d'années qui est un bagne, qui est un problème et dont on n'a pas commencé à s'occuper, on n'a pas bien posé le problème et c'est ça que j'essaie de faire dans ce livre. Je crois qu'il faut actuellement chercher des solutions et que c'est très urgent. Donc vous ne raisonnez plus en forme de combat, si j'ose dire, vous avez des solutions à proposer. En fait, il y en a une multitude et elles sont difficilement applicables pour l'instant. Eh bien, on n'en a pas encore vraiment trouvé. Je ne peux pas dire que j'en ai trouvé. J'en cherche. Je cherche surtout où le mécanisme accroche. Et il me semble qu'il y a trois points, si vous voulez. Il y a d'abord le principe de cette carrière absolument continue qu'on a imposée aux femmes. Si une femme s'arrête de travailler, on ne veut plus la reprendre à 40-45 ans, ou on la reprend dans de telles conditions qu'elle y perd trop et qu'elle n'ose pas s'arrêter. Là, vous avez vu les chiffres que je viens de citer, vous les avez entendus. Ils sont particulièrement révélateurs. Alors, très révélateurs. Vous voyez, toutes ces femmes, ces 34% de femmes de 25-30 ans, qui ont des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, on se demande comment elles font. Enfin, on le voit quand on fait des reportages, c'est absolument effrayant. Alors, qu'est-ce qui se passe après, quand elles reprennent, par exemple, à 49 ans? Eh bien, d'abord, elles ne trouvent pas de formation professionnelle d'adultes. Il n'y a pas de recyclage pour les femmes, pas suffisamment. Ça, c'est vraiment un point qui est très important, qu'on devrait beaucoup pousser, et qu'on pousse dans des pays étrangers, par exemple, on pousse aux États-Unis. Ça, nous n'avons rien, et c'est une des solutions qu'on pourrait trouver à ce problème. Si on acceptait d'admettre qu'une carrière de femme est hachée, qu'elle s'arrête puis qu'elle reprend, qu'elle l'amène longtemps, mais qu'elle a des trous... on serait bien obligé de changer le système de formation professionnelle. Et puis alors, il y a d'autres points. Il y a l'aide sociale que nous avons en France. Nous avons beaucoup d'assistance sociale, nous avons des prestations sociales. Nous en avons une qui est très intelligente, qui s'appelle le salaire unique, mais tout ça n'est pas suffisant. Le salaire unique est beaucoup trop faible pour permettre aux femmes de s'arrêter vraiment. Pour qu'elles arrivent à suffire, à payer leur loyer, à boucler leur budget, il faudrait qu'il soit nettement plus fort. On pourrait le donner beaucoup moins longtemps, mais il faudrait le donner beaucoup plus important. Et puis, il y a tout le côté social aussi. Il y a tout le côté, c'est ce que j'allais dire, de l'assistance sociale. Il y a beaucoup d'assistance sociale pour les femmes, mais il n'y en a pas assez pour les mères de famille. Puis surtout, il n'est pas adapté du tout à un pays où la majorité des femmes travaillent, et en tout cas où une grosse part des mères de famille travaillent. Et là-dessus, il faudrait vraiment faire un gros effort. Il faudrait changer le système d'assistance, penser à faire coller ensemble les questions scolaires et l'assistance, parce qu'en fait, une femme qui veut profiter des crèches et de ce genre de choses, ses horaires ne collent pas. Alors elle est obligée de payer double, elle est obligée de payer des femmes qui gardent ses enfants qu'elle met à la crèche, entre le moment où la crèche ferme et ouvre, entre le moment où l'école ferme et l'école ouvre, etc. C'est impensable. Est-ce que vous pensez que les hommes... le mari d'un côté, le patron de l'autre, peuvent faire beaucoup pour qu'on arrive à concilier ce métier de naissance et ce métier acquis? Je crois qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais les hommes sont déjà submergés de travail. Quand on voit comment les hommes travaillent, surtout quand ils sont loin de leur travail, ils n'ont guère de temps à donner à leur femme. Ils en donnent un peu, ils en donnent de plus en plus à la maison, mais on ne peut tout de même pas imaginer qu'ils donneront tout. C'est pas possible. Je crois qu'il faut tout de même que les femmes trouvent du temps pour faire ce métier de femme, qu'elles arrivent à trouver le temps d'élever leurs enfants. Et vous êtes optimiste? Eh bien oui, je suis optimiste parce que j'ai une bonne raison pour l'être. Je crois que ce serait rentable d'aider les femmes à élever leurs enfants. Ça coûterait beaucoup moins cher à la collectivité de leur donner un peu plus d'argent pour rester chez elles quand les enfants sont tout petits que de monter une pluie de crèches et d'organisations sociales qui coûtent infiniment plus cher. Retour à la télévision grâce aux archives de l'INA. Sur le site ina.fr, vous pourrez trouver votre miel en cherchant et donc en dénichant notre, votre mémoire radiophonique et télévisuelle. Extrait d'un feuilleton ou plus précisément d'une série que vous identifierez rien qu'au générique. Mais le générique suit la scène entre elle, son mari et un copain du mari. Mais pas possible. Hier, c'est pas compliqué. Moi, j'ai jamais vu bien. Oh, bah, jamais. Alors, t'as pas de mémoire, non? Comment? Rappelle-toi le match qu'on a vu ensemble. Quel match? Merveilleux. Enfin, avec Françoise. Mais oui, mais on est venu souvent avec Françoise. Non, mais à un soir où on a terminé la discothèque. Oula! Oula, on avait pris la place de l'orchestre tous les deux. Il était à la batterie, tu te rappelles? Et moi au piano. Et Françoise, elle était debout sur une table. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, elle n'avait plus de jupe. Elle faisait une danse du ventre mélangée d'une bourrée. Ah, c'était un marrant à cette époque-là, votre mari. Hein. Et un drôle de coureur de jupons. Tu m'as l'air d'avoir été un sacré donjon avant de m'épouser, mon chéri. Non, ça a bien marché, mais enfin, faut tout de même pas exagérer. Là, il a raison, non, faut pas exagérer, non. Non, bah, tout de même, Jeannine, Morissette, Madeleine, Annie. Ah non, Annie, ça, je regrette. Alors ça, Annie, c'était une petite chasse réservée, ça, Annie. Ah oui, parce que moi, je l'ai rencontrée avec une Annie, ça, j'en suis sûre, avant de m'épouser, hein, mon chéri. Ah non, ça, non. Il y avait une Annie, une seule. Non, vous devez vous... Une grande brune, avec des yeux verts, je les ai rencontrées deux fois ensemble. Grande brune. avec des yeux verts. T'es un dégueulasse, toi, non, c'est pas vrai. Alors c'est toi qui m'as piqué Annie ? Jacques, écoute, va toi-même pour me faire une maladie maintenant. Mais je ne me fais pas une maladie, mais je trouve ça absolument dégueulasse. Écoute, c'est pas la peine d'en faire un scandale. D'abord ici, c'est pas l'endroit. Et puis écoute, Annie, en plus, vraiment, j'ai rien fait pour ça, si tu veux savoir. Je m'excuse de dire ça, mais vraiment, j'ai rien fait pour ça. Mais voilà. T'es un fumier, t'entends ? Mais non, je suis pas un fumier. D'ailleurs, si j'étais un fumier, je te l'aurais dit, je te l'ai pas dit parce que je voulais t'éviter de te faire de la peine, c'est tout. Je sais pas, t'es la chercher, si tu veux savoir. Oh, vraiment, salut. Oh, ben ça, je vous félicite pas. Vous avez un mari qui est vraiment un petit dégueulasse. Adieu, tu ne me reverras jamais. Pardon, madame, excusez-moi. Pardon. Un homme est un homme. Rassurez-vous, la brouille sera passagère. Ah, le mieux pour se débarrasser du copain célibataire, c'est encore de le marier. Pourquoi pas avec votre meilleure amie? Et San Chéri, bien sûr, avec Micheline Prel et Daniel Gélin. Les tubes dans les années 60, c'était la face A, Aline, par exemple, mais il y avait aussi, sur les 45 tours, la face B. Une fille blonde aux yeux bleus. Le 22 octobre 1965, on célèbre un anniversaire sur France Inter. Au micro, Jacqueline Baudrier. Je voudrais donner une petite explication à ceux et à celles qui nous écoutent. Peut-être en effet, êtes-vous intrigués. Peut-être vous demandez-vous pourquoi, ce matin, le journal est présenté, fabriqué, dit uniquement par des femmes. Par des femmes journalistes de l'ORTF. Peut-être pensez-vous déjà que l'élément féminin du journal a fait cette nuit sa révolution. Une révolution victorieuse qui a chassé en bloc, tous les hommes du micro. Eh bien, soyez rassurés, il n'en est rien. Et si nous sommes ainsi, entre femmes, ce matin, c'est simplement pour célébrer un anniversaire. Un événement important pour toutes les Françaises. Il y a 20 ans, en effet, pour la première fois, les Françaises accomplissaient un acte politique de première importance. Pour la première fois, elles participaient à une grande consultation nationale. Pour la première fois, elles exerçaient, à l'échelle nationale, leur droit de vote tout neuf. C'était le 21 octobre 1945. Il s'agissait de dire, oui ou non au référendum constitutionnel. Il s'agissait aussi d'élire l'Assemblée constituante. Les Françaises sont donc majeures politiquement depuis 20 ans. C'est à Alger, en 1944, que le vote des femmes avait été décidé par le Comité français de libération nationale sur avis favorable de l'Assemblée consultative. Ce droit, le général de Gaulle l'avait déjà proclamé en 1942 et, dès la libération, dès son retour à Paris, le général de Gaulle affirmait à nouveau le droit de vote des femmes. Donc, en France, les femmes votent depuis 20 ans. Et ailleurs, dans le monde, depuis quand exercent-elles ce droit ? J'ai posé la question à un certain nombre de nos correspondants dans les grandes capitales. Ici Claude Mazot, Washington. Les Américaines ont obtenu le droit de vote en 1920, mais dès 1869, un État, le Wyoming, avait accordé ce droit de vote aux femmes. Ici Jacques Salbert à New York. J'ajouterais simplement que ça n'a pas été sans mal, et je ne suis pas tellement certain que les hommes américains ne le regrettent pas aujourd'hui. Bernard Ullman à Moscou. Eh bien, c'est depuis 1918, depuis la première constitution qui a suivi l'établissement du pouvoir soviétique, que les femmes de l'URSS ont le droit de voter, ont la pleine égalité de droit avec les hommes. Jacques-Olivier Chattard à Londres, eh bien, les Anglaises votent depuis 1918. Mais dès 1907, elles avaient le droit de participer aux élections municipales. En Angleterre aussi, elles ont eu beaucoup de mal, Jacques-Olivier Chattard. Oui, et c'est grâce au mouvement des suffragettes que dirigeait la célèbre Emmeline Pankhurst qu'elles ont obtenu ce droit de vote juste après la guerre. Rome. Jean Piazza, Rome. Eh bien, les femmes italiennes votent depuis l'élection de la première constituante, c'est-à-dire 1946. Elles avaient obtenu ce droit de vote le 1er février 1945, exactement. À Paris, nous avons aussi des invités. Jean-Pierre Elkabbach qui rentre de Pékin et qui va nous dire en quelle année les femmes chinoises ont commencé à voter. Eh bien, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes a été déclarée en 1924 en Chine. Le droit de vote promulgué à la même date, mais ces dispositions légales sont restées théoriques et artificielles. La véritable date, c'est 1949. Avec la victoire de la révolution communiste de Mao Tse-tung, et un an plus tard avec la loi profonde, sérieuse sur le mariage, la loi de mai 1950. Enfin, nous avons très envie de poser des questions à la Suisse, puisque la Suisse est le seul pays d'Europe où les femmes ne votent pas encore. Ici Georges Duplain à Berne. Des Suissesses, celles du canton de Genève, de Vaud et de Neuchâtel, votent depuis 1959 pour les problèmes communaux et cantonaux. En revanche, les femmes suisses n'ont pas le droit de vote sur le plan fédéral. Il y a eu un référendum récemment, en 1959, je crois. En 1959, les électeurs, les citoyens suisses, masculins exclusivement, ont refusé le droit de vote féminin à une majorité des deux tiers. Il est question d'élections, lesquelles ? Les présidentielles, bien sûr. Du reste, quelques semaines plus tôt. On a appris hier une nouvelle candidature, celle de M. François Mitterrand. M. Mitterrand a en effet annoncé hier qu'il serait candidat quelques instants après la conférence de presse du chef de l'État. Pour M. Mitterrand, les propos tenus hier par le président de la République soulignent l'incompatibilité d'humeur qui existe entre le général de Gaulle et la démocratie. M. Mitterrand rappelle qu'il a approuvé et soutenu la candidature de M. Defferre, mais qu'après son retrait, il n'était pas possible de laisser plus longtemps se prolonger une situation qui fait le jeu du système. C'est pourquoi M. Mitterrand a décidé d'être le candidat des Républicains, je cite, « résolu à combattre le pouvoir personnel ». Oui, nous allons d'ailleurs écouter M. François Mitterrand lorsqu'il précise le but de sa candidature. Une telle décision ne saurait se fonder seulement sur le refus d'un mode ou d'une méthode de gouvernement. Elle se justifie aussi et surtout par les perspectives qu'elle ouvre à la nation. Il va de soi qu'il s'agit essentiellement pour moi d'opposer à l'arbitraire du pouvoir, au nationalisme chauvin et au conservatisme social, le respect scrupuleux de la loi et des libertés, la volonté de saisir toutes les chances de l'Europe et le dynamisme de l'expansion ordonné par la mise en œuvre d'un plan démocratique. Évidemment, il ne serait pas convenable de demander aux passantes dans la rue pour qui elles votent. En revanche, savoir si les élections les concernent, la question se pose encore en 1965, dirait-on. Ce matin, François Paoli a interrogé au hasard quelques jeunes femmes électrices ou même futures électrices. Et au cours de sa rapide enquête, François Paoli n'a rencontré que des électrices décidées à exercer leur droit de vote. Non, je savais pas. Oui, je le sais, oui. Est-ce que vous utilisez ce droit de vote ? Ah oui, ça, j'estime que tout le monde doit voter et qu'on ne peut pas se plaindre lorsqu'on ne vote pas. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser et ce sera la première fois que je voterai. Est-ce qu'il est indiscret de vous demander pourquoi vous votez ? C'est très compliqué parce que maintenant je ne suis plus étudiante, mais étudiante je m'intéressais à la politique. Et pour se permettre de critiquer un gouvernement, on doit avoir une opinion et participer. Et donc si on vote, on vote pour quelqu'un et on s'engage. Pourquoi ? Parce que j'estime que je dois, c'est mon devoir de citoyenne. Est-ce que vous, personnellement, vous utilisez ce droit qu'on vous a accordé ? Non, je n'ai pas encore 21 ans. Et lorsque vous aurez 21 ans, est-ce que vous voterez ? Oui, pourquoi pas. Et pourquoi voterez-vous ? Parce que c'est notre devoir. Bon, pourquoi je vote ? Parce que, premièrement, d'abord, ça a été un devoir pour la femme. Me dire que je suis emballée, je trouve pas, parce que c'est assez compliqué quand même, quand on est jeune, de pouvoir choisir vraiment pour qui il faut voter, pourquoi il faut voter. Pour nous, ça nous paraît encore un problème un peu trop compliqué. Je trouve qu'on a le droit à la parole, comme les messieurs. On a le droit à avoir notre opinion, enfin, à juger des choses, je ne sais pas, moi, à constater, voir, s'instruire sur des points de vue que nous ignorons avant et que maintenant, on se dit, il faut que je sache. Pourquoi je vote ? Parce que, enfin, bien entendu, chaque citoyen fait partie de la nation. Et ensuite, j'ai un mari qui est draconien, qui veut que je joue, parce qu'il a des idées politiques à s'adapter. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais, tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais, ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais, comme les autres années. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Quelques mois plus tôt, la France s'amusait. Dans Rendez-vous à 5 heures, on évoquait, on faisait beaucoup plus qu'évoquer, on racontait le dernier film de Gérard Oury. Un avant-goût du triomphe de l'année suivante, La Grande Vadrouille. Pour l'heure, il s'agit d'un film réunissant déjà les deux grands comiques. Rendez-vous à 5 heures. Une émission de Manette Sauzet et Maurice Blaiseau, présentée par Pierre Divoire, collaboration Françoise Guérin et Brigitte Barrican, assistante Claude Perrault. Thank you. présentons cette semaine Bourvile, dans un nouveau rôle, celui d'un personnage un peu benêt au premier abord, mais qui finalement se tirera très habilement d'une situation épineuse. Le Corniaud, c'est un modeste employé qui, le matin même de son départ en vacances, alors qu'il quitte Paris dans sa petite deux chevaux, est victime d'un accident dont sa voiture ressort en pièces détachées. C'est un président-directeur général, l'important Louis de Funès, qui a été cause de cet accident, et pour dédommager Bourvile, il va lui faire la proposition suivante. Vous savez que j'ai passé une nuit blanche à cause de vous. Ah bon? Bah alors, excusez-moi. Le choc. Oh, bah, qu'est-ce que je dirais, moi? Écoutez, vos vacances fichues, ça va me gâcher les miennes. Ah, bah, bon, dites-moi, avez-vous toujours l'intention d'aller en Italie? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ma voiture a eu un léger accident hier. Et c'est justement pour ça que je vous ai fait téléphoner ce matin. Vous m'avez été tout de suite sympathique. Et j'ai eu une petite idée qui va tout arranger. Oh. Oui, dites-moi. Dites-moi, mon ami, M. Duschmurtz de Miami, visitait l'Europe avec sa Cadillac. Hein? C'est-à-dire le Parthénon, le mur de Berlin, le, je sais pas, les Folies Bergères. Toute une civilisation. Alors, si? Et alors, il reçoit un télégramme. Il reçoit, non, je vous l'enlève parce que vous m'écoutez pas. Voilà, bon. Alors, il reçoit un télégramme. Ah oui, c'est vrai. Bonne santé. Il reçoit un télégramme de rentrer subitement par avion aux États-Unis. Ouais. Son papa malade, sa maman malade. Oh, c'est toujours embêtant, ça. Bon, alors, donc, la Cadillac est abandonnée. Oh, la pauvre. Et elle arrive lundi à Naples. Naples. Naples? Naples. Et alors, M. Duschmurtz m'a demandé de la prendre en charge de Naples jusqu'à Bordeaux pour la faire réembarquer pour les États-Unis, je ne sais pas où. Elle, de Naples à Bordeaux. Oh, c'est un joli voyage, ça. Eh bien, ce joli voyage, monsieur Maréchal, c'est vous qui allez le faire. Ah, moi? Oui, je suis là. Hein? Tournez-vous, je suis là, ici. Ah, pardon, je suis là. Et alors, nous sommes le 14 août. Bon, et alors, la voiture doit être réembarquée à Bordeaux le 27 août via la Floride, Miami. Voilà. Oh, 13 jours. Voilà. Oh, ben dites donc, l'Italie, vue d'une Cadillac, ça doit être quelque chose. Bien heureux. Ah, oui. Je vais prendre un petit scotch. Je peux? Non, la bouteille est là, vous faites hein? Mieux. La bouteille est là. Ah. Monsieur le Président. Merci, mon petit. Voilà votre billet, Paris-Naples en caravelle. Oh. Et 500 000 lires pour vos frais de voyage. Oh, monsieur Saroyan, c'est trop. Je consomme beaucoup moins qu'une Cadillac. Mais c'est trop beau pour être vrai. Voilà donc Bourvile parti sur les routes d'Italie avec une Cadillac pleine d'or, d'héroïne et de diamants. Il sera suivi par de Funès, qui veut surveiller la bonne marche du véhicule, de Funès lui-même étant suivi par une autre bande de gangsters, dirigée par Vittorio Gassman, qui lorgne lui aussi l'inestimable Cadillac. Vous imaginez la cascade de gags que Gérard Houry a pu tirer de cette situation, avec un Bourvile remarquable, c'est un de ses meilleurs rôles, un de Funès très en forme et une mise en scène rapide, efficace et pleine d'idées. Un des meilleurs moments du film, je crois, est la rencontre de Bourvile avec le gangster italien qui continue à le prendre pour un naïf. Aplatissant son chapeau d'un coup de pouce, tordant sa bouche en une lippe qu'il fait ressembler à Eddie Constantine, Bourvile va faire croire à l'italien qu'il est encore plus gangster que lui. Terminus, tout le monde descend. Envoie les clés et fais ta prière. Écrase, hein. T'as voulu me foutre dans le bain, mais c'est nager. Alors tu veux me flinguer, moi? Barre-toi de là, ou tu vas souffrir. Oh, fais pas mal, j'ai le jersey. Patate. Vise un peu. Ça sonne creuse. Un héros et pas d'héroïne. La batterie, tu peux visiter. Y a plus de balles. Les pare-chocs. C'est pas de l'or. C'est de la bonne ferraille. Je ne savais pas qu'il était dans le coup. Pauvre cave. T'as pas encore compris que cette bagnole-là, c'est du bidon. Et le Yunkunkun. Comme le reste. Tout est dans la vieille Rolls. En dessous. Allez, file-moi mes clés. T'es un pote à Saroyan. Pourquoi tu le balances? Disons que... il n'a pas été très correct avec moi. Ayant passé la douane sans encombre, grâce à son air honnête et simplet, Bourvil, bien sûr, va se venger de ceux qui croyaient profiter de lui. Et voici pour conclure la scène finale du film qui se passe entre Bourvil et De Funès, tandis qu'il roule vers le commissariat de police qui va être le terminus de cette bande de gangsters. Dites donc, pendant que je vous ai là, moi, je suis dans un drôle de pétrin, vous, hein. Mais je vous en sortirai, je vous le garantis. Oh là là. Non, mais moi, je ne suis pas inquiet, puisque je suis innocent. Puis au fond, je vous en veux pas parce que... quel voyage, hein. Et ça compte dans la vie d'un homme, ça. Hein. Puis dites. Mais vous êtes... Non, ils n'entendent pas, ils peuvent pas entendre. Hein? Vous allez toucher les 100 millions. 100 millions, les 100 millions, la prime d'assurance du Kunkun. Non, mais regardez, le Yun Kunkun. C'est vous qui l'avez trouvé. Ah, oui. Bon, il y avait des témoins. Oh, plein, oui. Bon, alors, vous allez toucher la récompense de 100 millions pour le Yun Kunkun. Ah ben, je suis pas si Kunkun que j'en ai l'air, alors. Le Corneau, un grand film comique, mais ce n'était pas exactement le point de vue des critiques dans Le Masque à la Plume, diffusé sur la même antenne, ce qui prouve que la radio est grande. Est-ce qu'il faut parler de ce Corneau? Non. Je ne vois pas une seconde. C'est très bien, j'ai entendu dire c'est très bien. Non? Ah, vous voulez... Attendez, pourquoi ne pas en parler? Mais non, il faut en parler. On va en parler. Bon, on dit dans la salle pourquoi ne pas en parler. Bien, Le Corneau, c'est le film de Gérard Houry. Est-ce qu'il était comédien jusqu'à présent? C'est son premier film. Non, c'est le troisième, quatrième, cinquième film. C'était le cadavre derrière lui. Ah, c'était les cadavres. Hélas. Ah bon, je n'ai rien perdu alors. Oh. Ah bon. Très bien. Alors, il c'est donc son quatrième film qui s'appelle Le Corneau avec Bourvil et Louis de Funès. Et j'ai lu, moi, dans les articles de Baroncelli dans Le Monde, que c'était génial. En plein d'articles. Ça dans L'Humanité, j'ai lu ça dans des tas de journaux. Dans un tas d'articles. Jean-Louis Maury. Eh bien, ce n'est pas parce que Schoendoerfer est là, mais j'ai pensé, moi, à l'escalade au Vietnam. Enfin, à l'actuel, bien sûr, vous savez. Bon, d'un côté, vous avez Louis de Funès, qui fait son numéro d'écureuil cousitique. L'autre côté, vous avez Bourvil, qui fait son numéro de Normand de Meuré. Bon, devant Bourvil, Louis de Funès fait du son Funès. Devant de Funès, Bourvil fait du son Bourvil. On arrive naturellement à la catastrophe, qui est le film de Gérard Houry. Bon, le scénario est imbécile et débile. Les talents de metteur en scène de M. Gérard Houry, pour moi, restent perdus dans un mystère profond. Bon, sa nullité de dialogue, il saute à l'oreille. Bon, direction d'acteur, on n'en parle pas, étant donné qu'il a lancé Louis de Funès sur un rail, Bourvil sur un autre rail, de temps en temps ça se rend compte. Je vous dis que le résultat est absolument extraordinaire. C'est un film qui m'a mis dans un tel état de fureur que si j'avais rencontré quelqu'un à la porte, et particulièrement le metteur en scène, je crois que je serais en ce moment en prison. Bon. Je trouve surtout scandaleux qu'une critique de cinéma, enfin qui est tout de même consciente, ose faire cette espèce de baroud d'honneur pour un film qui pour moi représente le vomi du cinéma français, se complaisant dans sa bassesse avec une satisfaction jubilante. Merci Jean-Louis Maury. Je ne sais pas, Jean-Louis Maury, mais vous allez avoir un procès, mon vieux. Ça non, pas, ça va juste, mal. J'ai pas dit que M. Gérard Houry était imbécile, j'ai dit que son film était mauvais. Georges Chadoul veut rajouter quelque chose à ce concert de louanges. Oh oui, je serai aussi louange que tout le monde. Je dirais que c'est un film, mon Dieu, on se demande vraiment ce qui a pu plaire à certains de nos confrères. C'est un film qui me paraît tout à fait dépourvu d'esprit et surtout de rythme, qui est quand même important dans un film comique. La seule chose à peu près supportable, c'est même assez joli, c'est les photos de Decas. qui sont des photos en couleur. Des cartes postales touristiques. C'est de très jolies cartes postales touristiques. Bah pourquoi pas. Bon. On en achète. Et bah c'est tout. Mais je dois dire que j'ai été un peu plus indulgent que vous pour ce film parce que je sortais de venir voir un autre film copique qui s'appelle Le Majordome. Oh, j'y allais. Et qui est encore en dessous. Quel après-midi. Et qui est encore en dessous. Et je dirais que le... Et je dirais que Le Majordome, ce n'est pas ma politique d'auteur qui m'a dressé contre ce film parce que je n'avais pas lu le nom du metteur en scène avant d'entrer. Ah bon, j'ai trouvé ça absolument consternant. J'ai lu le nom du metteur en scène à la sortie. Ça ne m'a pas surpris que ce fût mis en scène par ce metteur en scène. Ah, non, c'est une sinistre histoire. Alors ça, c'est vraiment beaucoup plus ennuyeux quand même que Le Cornio. Le Cornio, en deux heures, j'ai quand même peut-être ri 30 secondes. Là, je me suis ennuyé d'un bout à l'autre. Et y a Henri Janson n'y a pas collaboré aussi ? Hélas. Henri Janson, mais Henri pas, comme il dirait. Ah bon. Mais ce qui m'attriste, moi, beaucoup, c'est que tous ces films-là, vous en parlez au masque avec la désinvolture que nous venons de voir, et un film comme Le Gendarme de Saint-Tropez, je crois que nous n'avons même jamais parlé au masque, ça bat tous les recettes, tous les records de recettes, ce genre de film. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? Hélas. Parce qu'on sait que, malheureusement, ce genre de film, on revient au Cornio, et c'est valable pour Le Majordome, c'est valable pour beaucoup d'autres, c'est du gros film, fait avec de grosses, grosses vedettes, avec de gros, gros metteurs en scène qui font de la grosse, grosse, grosse mise en scène. Ça plaît au gros, gros, gros, gros, gros public. Voilà pour un enterrement de première classe. Jean-Louis Borry, on s'en doute, savait aussi encenser un film. Alors, comment était-il dans ce registre, aussi bon que dans L'Éreintement ? Nous le vérifierons lors d'une prochaine émission. New pussycat, whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. Your pussycat knows. C'était les années 60, aujourd'hui 1965, deuxième émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage, Olivier Dupré. Réalisation, Annie Doël. Une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là, à télécharger ainsi que les précédents épisodes de la série sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.